Bon, Good News. Alors, on est ensemble pour 2 heures, je vous le disais, dont 75 minutes entières vont être consacrées à l'écoute d'un disque et d'un seul. Alors, pas de secret, on le révèle tout de suite, on le re-révèle à nouveau. C'est dit l'album Here, My Dear de Marvin Gaye. Voilà, alors j'avais un petit préambule tout à l'heure, mais alors que malheureusement on n'a peut-être pas pu entendre, quand on entend le mot Marvin Gaye, on est tout de suite, on navigue en pleine suavité, enfin même sensualité, un mot qui convient probablement mieux, une forme de guimauve assumée. Et de fait, on ne soupçonne pas que derrière les propos de Marvin Gaye, et en fait dans presque tous ses disques, mais spécialement celui que j'ai chroniqué là, se cachent en fait des moments de douleur absolument incroyables. L'album du jour, c'est donc Here, My Dear. C'est un disque qui paraît en 1978, qui a réalisé un peu sur le long terme pendant plus d'un an, qui est le disque du désastre en fait. Et ce sera un double album, ce qui est unique dans la carrière de Marvin Gaye. Et les doubles albums dans le rhythm and blues, dans la soul, sont très rares globalement. Alors qu'est-ce que c'est que ce disque ? On va le situer dans la carrière de Marvin Gaye. C'est l'anti What's Going On. A priori, et tout spécialiste de musique ou même non spécialiste, si on doit s'accorder sur un disque culte de Marvin Gaye, voire un disque culte dont toute la soul et le rhythm and blues, ce serait en fait ce disque-là, What's Going On, de Marvin Gaye, un album entièrement social, d'une richesse de production harmonique absolument incroyable, concept album qui est entièrement tourné vers la communauté, qui paraît en 1971, et qui va vraiment durablement marquer la musique noire, et puis l'impacter de facto. Le disque Air My Dear, auquel je consacre donc ce cargo culte, lui est son exact contraire. C'est un disque totalement auto-centré. C'est un disque à la fois déchiré, pathétique, mégalo, excessif et romantique. Il est tout centré autour de la relation et du mariage raté, donc du divorce en cours avec Anna Gordy, son épouse. Alors, petit rappel de ce qui va se passer entre donc, cette deuxième partie, cette deuxième vie finalement de Marvin Gaye. Il y a les années 60 qui sont extrêmement importantes, mais c'est pas celle dont j'ai parlé là. Il y a les années 70 qui sont donc inaugurées par What's Going On et qui vont se fermer avec Here, My Dear. Et il y aura ces très courtes années 80 qui après que le phénix renaisse de ses cendres, va se retrouver assassiné de facto par son père. On connaît l'histoire. J'en parlerai en deuxième partie de programme. Entre Let's Get It On et Here My Dear, deux albums sortent. Ces deux disques sont, donc après Let's Get It On et I Want You. Tous deux sont complètement bercés de sensualité. Tout tourne autour de la relation de Marvin Gaye avec une très jeune femme, mais qui n'est pas sa femme. La femme de Marvin Gaye, c'est donc Annie Gordy. Anna Gordy. Oui, alors, pas Annie Gordy, parce qu'on pourrait vite, ok, je vois très bien ce que vous pensez. Anna Gordy. Eh bien oui, c'est la sœur du boss, c'est la sœur de Berry Gordy. Donc Berry Gordy, dois-je le rappeler, c'est le fondateur de Motown. C'est celui qui va commencer à produire des tubes à la chaîne, exactement comme à Détroit, sa ville d'origine, on va produire des Chrysler et des Ford à la chaîne. Et sur ce principe-là, la Motown, car c'est bien Tamla Motown et la Motown dont il s'agit, va produire les légendes qu'on connaît. Alors Marvin Gaye en tête, mais Stevie Wonder, okay, Little Stevie Wonder, Diana Ross et les Supremes, Steve Robinson, etc., etc., etc. Bref, une usine à tubes extraordinaire à jamais ancrée dans l'histoire de la musique, et spécialement la musique noire. Alors dans tout ça, Anna Gordy, c'est la petite sœur, mais elle est de 17 ans l'aînée de Marvin Gaye. Ils se rencontrent en 1962, Marvin Gaye est la jeune pousse de la Motown, et Anna Gordy, ça va être le Pygmalion de Marvin Gaye, la Pygmalion même plus précisément. Et c'est elle qui fait Marvin Gaye, c'est une évidence. Ici, un grand amour. Elle est de 17 ans, son aînée, mais ça n'empêche pas qu'ils vivent leur grand amour. Donc leur rencontre, Marvin, lui, a 24 ans, Anna Gordy, 41. Et c'est Anna Gordy qui va intervenir auprès de son frère, donc Berry Gordy, le boss de la Motown, pour la plupart des gros coups de Marvin Gaye. À commencer par le célèbre « I Heard Through the Grapevine ».« I Heard Through the Grapevine », c'est le tube le plus vendu et probablement le plus entendu de toute la Motown. Et ce morceau-là, Berry Gordy, on ne voulait pas. Parce que les arrangements étaient finalement un petit peu trop décalés par rapport à l'époque. C'était une production de Norman Whitfield, qui est un producteur effectivement qui fera encore plus parler de lui après, et qui jouera un rôle assez essentiel aussi. Mais Berry Gordy refuse le titre dans la version de Marvin Gaye. Il décide de le confier à Gladys Knight on the Pit, et qui fera d'ailleurs un petit tube éphémère, mais c'est qu'un an après que enfin Marvin Gaye pourra récupérer ce morceau, et ça sous la pression de la sœurette Anna Gordy. Et bien le morceau, c'est le succès qu'on connaît, il est juste multigénérationnel, et je le répète, c'est la plus grosse vente qui ait jamais eu la Motown, et les plus gros passages radio aussi. Voilà, donc Anna Gordy, je reviens à elle, Anna Gordy, la Pygmalion de Marvin Gaye, elle va aussi encourager la réalisation de What's Going On, donc disque culte, hein, dont je rappelais l'origine, hein, en 1971, c'est sur les cendres un petit peu des émeutes raciales qui sont passées à Détroit en 1967, que Marvin Gaye a observé comme ça son environnement et puis consacré toute son énergie à ce disque, je le rappelle, totalement essentiel. Voilà, et ainsi s'amorcent les années 70. Mais les années 70, c'est pas les 60s. Et elles vont laminer, ruiner finalement Marvin Gaye et leur couple. Donc l'hédonisme, certes, la libération sexuelle, youpi, la drogue, tout y va, les excès de plus en plus excessifs auront donc raison de Marvin Gaye, et jusqu'à la terrible fin du meurtre, hein, abattu donc par son père, hein, 2 balles dans le corps par son propre père en 1984. Voilà. Mais entre-temps, le vrai drame que va vivre au quotidien et sur de longs mois, même sur des années, ça va être la procédure de divorce qu'il va y avoir entre Anna Gordy et Marvin Gaye. Alors c'est une procédure de divorce à l'américaine, hein. C'est à grand renfort d'avocats, de centaines de milliers de dollars, tout outrancier. Et donc, in fine, le disque Hear My Heart. Hear My Heart en 78, c'est un disque de commande, en quelque sorte, dans la mesure où c'est un disque qui sert à payer la pension alimentaire. Alors, d'où vient le malheur ? Marvin Gaye, effectivement, écoutons les disques Let's Get It On, I Want You, qui sont juste des confessions, c'est plus que des confessions amoureuses, quoi. C'est des disques pour le sexe et par le sexe. Et Marvin Gaye, il raconte de long et en large, à mots même pas déguisés, la relation torride qu'il a avec la très jeune Janice Hunter. Elle a 17 ans, quand Marvin, lui, a 17 ans de plus. Et Anna Gordy, elle, a en plus 17 ans de plus. Donc 34 ans d'écart entre les deux femmes, évidemment, ça ne passe pas. Ce qui passe en plus difficilement, c'est qu'Anna Gordy et Marvin Gaye n'ont pas eu d'enfants. Alors, ils en ont adopté un. Tandis que dans la relation flamboyante, pour ne pas dire plus, entre Janice et Marvin, coup sur coup, 2 enfants. Un par an, au même rythme que les albums, quoi. C'est chaud. Et c'est beau. Mais ça ne peut pas mener à quelque chose de durable. Il est toujours l'époux, Marvin Gaye, de Anna Gordy à ce moment-là. Donc, je le disais, Hear My Heart, le disque qu'on va entendre, est là pour sceller un contrat de séparation entre les deux époux. Petit coup d'œil sur la pochette, tiens. Puis du coup, je vais même vous poster l'incroyable pochette intérieure qui, à elle seule, est crypto-codée comme c'est pas permis. C'est toujours bien de rentrer dans un disque par une pochette. Hein. C'est par ça qu'on commence, quoi qu'il arrive. Bon, alors même si c'est un peu moins de réalité maintenant, avec les logiques de téléchargement et puis de virtualité de la musique, moi, je reste un nostalgique de la pochette, je vous dis. Hear My Heart, donc double album, ça veut dire qu'il y a un gatefold, ça s'ouvre en son centre. Donc c'est la pochette recto nous montre Marvin Gaye, nous fait une forme de statue, voilà, un petit peu à la romaine, avec des habillés en toge, comme ça, quasiment dénudés, et derrière lui, un couple, qui est une statue, en fait, qui s'embrasse. Et le recto, lui, montre ces mêmes coupes, mais totalement décimées, avec une forme d'apocalypse, une guerre qui aurait ravagé tout le décor derrière. La justice symbolisée par une balance, voilà, symbole qu'on connaît bien. C'est la pochette intérieure qui, à mon avis, on dit encore plus, et qui est cryptée en diable. Et que finalement, on ne peut comprendre qu'en allant chercher vraiment, vraiment dans les biographies, dans les rapports, dans les procès qu'il y a pu avoir. On y voit, à gauche, la main de Marvin Gaye, qui tend, comme on tend l'aumône, en fait, comme on tend une pièce, qui tend un disque vinyle. Voilà. Et en face, la main, c'est la main d'une femme qui s'apprête à la prêter. Bon, il y a quelque chose comme ça d'un peu rapace, puisque traîne un aigle comme ça juste au-dessus de la main. Tout ça se passe au-dessus d'un plateau de jeu, qui est une réplique, pas même déguisée, d'un Monopoly, finalement. Et ici, le jeu s'appelle Judgment, le jugement, la loi. Et sur ce board de jeu, sur ce tapis de jeu, des éléments qui, bien sûr, nous renseignent sur qui est qui fait quoi. Du côté Marvin Gaye, un magnétophone, un piano, un poste de radio, et l'artiste dans son coin avec l'oreille et sa sensibilité qui est elle-même sensibilisée sur le plateau de jeu. Et puis un petit dollar qui traîne. Au milieu, une rose, mais tombée, en train d'être fanée, et à côté d'un siège qui brûle, lui-même qui joue, c'est un crâne mort. Tandis que donc, sur le côté droit, où la main d'Anna Gordy semble se tenir, la villa de luxe, la voiture de luxe, les dés du jeu, et des dollars, eux, par paquet. Plus, alors, en arrière-plan, une foule d'écatis sur le côté Marvin Gaye, mais quand même humaine, en tout cas présente, et sur le côté de Anna Gordy, parce qu'on comprend bien qu'il s'agit d'elle, une apocalypse qui ramène un petit peu à la pochette verso que je décrivais tout à l'heure. Voilà. Et concrètement, c'est quoi ? Ce disque marque donc un deal majeur. À l'époque, on est en 1970, enfin dans les années 70, et le deal se fait à partir de 76. Le deal sortira en 78, hein, mais on commence à dealer sur ce truc comme un contrat donc d'une pension alimentaire, parce que va s'ajouter à ça une pension alimentaire de 6 000 dollars par mois que va donner Marvin Gaye à Anna. Il y a 305 000 dollars d'avance sur recette pour un album de Marvin Gaye à l'époque. C'est énorme, 305 000 dollars. On est au milieu de 70, c'est gigantesque. Cette avance sur recette va de facto à Anna. Et s'ajoute à ça 295 000 dollars de royalties, en tout cas d'avance sur royalties, et qui sont aussi prévus pour Anna. Anna Gordy demandait 1 million, en fait. Et le couple s'accorde sur 600 000 dollars. Voilà, 600 000 dollars en 1978, waouh, waouh. Enfin, on est en Amérique. Hein. Et puis bon, il y a les moyens. Hein. La Motown a fait énormément d'argent et Marvin Gaye a vendu des milliers enfin, de disques. Je pense que si je disais millions, je ne serais pas dans l'erreur. Donc, à partir du moment où vous faites un disque et pour payer la pension alimentaire de la chérie que vous pouvez plus voir, a priori, vous faites ça vite, vous vous barrez, vous le vendez et vous passez à autre chose, vous vous convolez avec la petite jeune qui est toujours sous le coude. Et en fait, c'est pas ça du tout qui va se passer. Et c'est là le miracle du disque. Alors, on va rentrer maintenant au cœur du sujet, on va rentrer dans la musique. C'est un disque qui va se faire vraiment longuement. C'est sur plus d'une année entière, entre 77 et 78. Alors, sachant que le flux d'enregistrement, tout se passe à Los Angeles. Hein, la Motown a quitté New York depuis... a quitté Detroit depuis juste au lendemain, finalement, de la parution de What's Going On. Petite parenthèse, d'ailleurs, assez cynique, parce que le disque, effectivement, a été finalisé à Los Angeles et a finalement officialisé le départ de la Motown de Detroit pour Los Angeles, alors que What's Going On est un disque social qui part d'un constat qui est typiquement celui de Detroit. y a déjà une injustice, effectivement, dans l'air assez cruelle, que Detroit, d'ailleurs, paiera beaucoup. Mais c'est un autre sujet. Il reviendra probablement dans d'autres cargos cultes. Donc, si je reviens sur le disque, le déroulement de ce disque à Los Angeles, c'est aussi que bon, Marvin Gaye fait des fuites en avant, hein. Il disparaît plusieurs jours, il revient complètement défoncé, absolument inapte à reprendre le disque, et puis finalement il devient apte à le reprendre, et non seulement il devient apte, mais il devient sublime, c'est-à-dire qu'il va ajouter de la sophistication sur la sophistication et repenser les textes jusqu'à concevoir finalement un journal de bord d'un désastre amoureux. Tout le disque est une suite de plaintes, de confessions, alors qu'il pourrait prêter à rire finalement, mais sur des titres très très longs, d'une beauté inouïe. Et finalement, la promesse d'un disque bâclé s'évapore complètement. Le disque devient long, je rappelle, c'était un double album, 75 minutes, c'est énorme. Et quant au titre, il parle de même. Anger, voilà, Anger, ça va être un single d'ailleurs. When did you stop loving me? When did I stop loving you? Ai-je besoin de traduire? Et ce titre-là, en fait, il est à trois reprises dans l'album. C'est-à-dire qu'il est d'abord sur sa version vocale, puis dans une version instrumentale, et enfin, il arrive en petit rappel assez court et conclusif de l'album. Donc, juste après, en fait, un morceau qui le précède, l'avant-dernier album, le penultième, qui lui s'appelle « Falling in Love Again ». Alors, suivez bien l'enchaînement. Le dernier titre devrait être « Falling in love again ». Presque la promesse de « Je reviens, mon amour ». Mais non, crac, amour impossible. Et reprise de ce « When did you stop loving me ? When did I stop loving you ?» Alors, les titres comme ça qui composent l'album sont tellement autobiographiques. Et ce que j'évoquais comme quelque chose d'auto-centré au départ, finalement, a aussi quelque chose d'universel. Here, my dear, c'est le morceau-titre qui est l'un des plus courts, qui donne son nom à l'album et qui va introduire le disque et qui dit exactement hein, ce qu'il est. Voilà, c'est une missive, c'est une confession. Et s'enchaîne après, il se lit vraiment comme un journal. I met a little girl. Ben oui, Marvin, t'as rencontré une petite jeune super mignonne de 17 ans plus jeune que toi. Et tu lui as fait des enfants, c'est pour ça qu'Anna, elle n'est pas contente. When did you stop loving me? When did I stop loving you? Voilà. Et puis, anger, is that enough? Everybody needs love. Time to get it together. Voilà, on peut à un moment peut-être nous... Allez, on remet le couvert. Non, ça craque. Voilà, Sparrow, alors que c'est le plus beau morceau, je pense, de l'album, qui est vous le découvrez d'ailleurs, Sparrow, c'est un petit oiseau, voilà. Je pense que c'est un moineau, un Sparrow, ou un rouge-gorge, il faudra que je me renseigne. Anna Song, voilà, qui est dédiée évidemment à Anna Gordy. Un morceau, Funky Space Reincarnation, alors qui est pour le peu pas dans le contexte, on a envie de dire. Et c'est d'ailleurs le morceau le plus funky, il dure 8 minutes et demie. Un classique dans les banques de samples des rappeurs bien ajustés. Puis voilà, You can leave, but it's going to cost you. Vous voyez, comme c'est dit, quoi. You can leave, but it's going to cost you. Tu peux partir, mais ça va te coûter cher. Bah oui. Falling in love again, et puis cette ultime donc reprise de When did you stop loving me? When did I stop loving you? Voilà, je vous laisse maintenant au cœur de ce disque, dont évidemment la musique est essentielle. Le disque est un échec. En plus, le disque est un échec. Il reste absent des rééditions de Marvin Gaye pendant quasiment 10 ans. C'est juste quand en 1993, on s'apprête à célébrer les 10 ans de la mort de Marvin Gaye, qu'on dit « Ah ouais, il y a quand même ce disque-là de Motown, qui était son avant-dernier, en fait. Il y en a eu un autre après, un peu bâclé, il faut le dire, mais qui, malgré tout, a bénéficié davantage de promotion que cet album, Hear My Dear. C'est tout le paradoxe de ce disque, qui était fait pour apporter de l'argent et qui est finalement devenu un titre tellement intime que son auteur voulait presque pas le sortir, et finalement la sortie avec perte et fracas. Bref, chronique d'un premier malheur chez Marvin Gaye. Bon, sa route est tapissée de malheurs, comme on le verra tout après. Je vous laisse de facto avec ces 75 minutes continues du Hear My Dear de Marvin Gaye. Bonne écoute et à tout à l'heure. I guess I'll have to say this album is dedicated to you. Although happy. This is what you want. So I've conceded. Hope it makes you happy. There's a lot of truth in it, baby. I don't think I'll have many regrets, baby. Things didn't have to be the way they was, baby. You don't have the right to use a son of mine. Keep me in line. Something I can't do without is the boy dream God gave to both of us. I'm so happy. Son of mine. So here it is. I hope you enjoy, reminisce, be happy. Think about the kisses, the joy. But there were those other moments too. Times of cloudy and gray, bad. Ah, as you taught me, that was life. May love ever possess you. May peace come into your life. This is what you wanted. Here, dear, my dear. Here it is. Here, my dear. Here it is. Ooh, I met a little girl. Oh, so was fine. So was fine. Just about blew my mind. Ooh, she took me home. Ah, and made love to me. I knew right then and there, this is where I wanted to be. Ooh, most of my life I had been. Time will pass. I sing this song right now, I wonder today if you're a friend of mine. Done some crying, woman, you have caused my tears to flow. Cry about me. Do you ever think about the kind of love? You know, when you say your marriage vows, they're supposed to be for real. I mean, if you think back about what you really said, you know, about honor and loving and obeying until death do us part, no. But it shouldn't be that way. It shouldn't be lies, because though it turns out to be lies, if you don't honor what you said, you've lied to God. Words should be changed. Ooh, now as I recall, we tried a million times, again, and that isn't all. I gave my love to you each time to make a mess. Said, babe, I start to try a new way. Turn me into the police. Did not love you. good luck in the world. But I know you'll never be satisfied. No, you still won't stand there by your side. Memories haunt you all the time. I will never leave your mind. Got judgment on your side. You say bad things and you've lied. my spine, in my brain. It ain't just me, baby. Anger can make you old. Yes, it can. I say anger will make you sick, children. Anger destroy your soul. Said she got to keep on living the way she's accustomed to. Wait a minute. Superstar. But we have to live hit it, hit it. Ooh, got to stay with it. Making up my mind to get. I used to hear a sparrow singing, baby. Oh, but one day as I went along, I didn't hear a song. But I know sparrows should sing. Sing on such a morning in spring. Oh, sparrow, why don't you sing to me, oh sparrow, come around, come around, why don't you come around? Sing about a melody, oh, a melody, about the things you see. Anything you want to sing about, just sing it on out now, sing it on out. Let the world know what life's all about. Sing, little sparrow, sing. Sparrow, sing, oh, sing, little sparrow, won't you sing for me and for the rest of the whole wide world? They'll appreciate it, I know. Every time I'm feeling low, I know I can always count on you. Sing, little sparrow, about the trouble you're in. Places you've been, you can sing, I know it. Don't you try to pretend, but sing while you hear, sing a song, my dear. Let me hear you so, don't you be too cold. Sing, little sparrow, sing. I want you to sing, little sparrow, sing. I want you to sing, little sparrow, sing. Oh. Ah. let me hear your agony. Did you say me sucking up the lake? Sing to me of peace and love. Sing to me of God above. Sing sparrow, oh sparrow, sing. Man's inhumanity and all the injustice you see. Sing sparrow, sing little sparrow, sing. Sing about what to give, sing about how to live. I want you to sing a true sparrow, oh little sparrow, sing. Sing to me of jealousy. Sing what it's all about. Sing it all out. Shout! Little sparrow, oh, sing at me. Sing me a, sing me a song. I wanna know what's wrong. Little bird, tell me. This is Anna's song. I'm making love all night long. Take a bath in milk and lay on your satin sheets. Laugh and smile and play a while and chocolate mint. Thank you. such a lover's song. Loving is one of all. Now this is Anna song. Yeah. Keep on loving me, baby. Loving me across the hall. She can't do no wrong, 'cause this is Anna's song. Laugh and shed a tear. Kiss me, Anna. Thank you. as I love you. And you said you love me too. Ooh. Ooh. Ooh. I'll always remember you and all the fun we had. Space bed. We gon' get married in June. another trip. Step inside my movie ship. I can tell by your way that you really wanna stay. Space, come to space. Peaceful space, safe place. Wait till I get cool. Hey baby, let's get cool. You know you look like somebody I met a long time ago. I know I ain't never met you though, but ooh, you look like, I've been knowing you for a thousand years. Gosh, ooh, I don't know what's happening, you know, I'm really involved, but I might be checking you out, you know, might be getting some other reaction. Seems to me though that the reason we're together here is that we're supposed to be together. Come on baby, let's go peace loving and check out this new smoke. No, this thing I got, it ain't classified as dope. Smoke I got from Venus, have had it all week. It's getting old. Come on and try this new thing with me, baby. It's too cold. Come on now, baby. Let's take off clean. Get in this in machine. To love rise, baby. Ooh, sure. Let's get some more. Why do I feel like I've been with you before? Shoot me with a great gun. Super people and lots of fun. Everybody, we created, having lots of fun. Let's move to party. Star One. All right, everybody, we're moving now to come in for our landing here in Pluto. Now, all of you who are in Group A, send you over to the Plutarium, be Plutatized. I know that you dig that. And the rest of the group, B, I know y'all gonna have a ball, but hey, little Miss Birdsong, come here. You follow me. Come on, baby, and all come on down. Come on, baby, come on down. Let's plug ourselves and touch each other. This machine and feel each other's sounds. Let's rasp a taz. We need to say what we mean. Let's plug our hearts into the real machine. Let's feel each other's ass. Come on, baby. Let's rasp a taz. All that jazz. Let's rasp a taz. And all that jazz. It says yeah. And all it says yes. Let's touch each other. Let's feel each other's ass. Let's rasp a taz. All that jazz. Stop. Well, it's been a fantastic trip, baby. Y'all cut it out. Not even out of it. Yeah. It's time I'll come back next week now. Pick another load. Funky folk. Funky folk. You know you want to get your heads together. We'll be right here on time. Oh, we got to see you now. Time for the countdown, baby. Give me the countdown, Zach. Yeah, here we go, man. Here we go. You ready? One, fun, two, you, three, me, four, more, five, no job, six, no tricks, seven, win, heaven.

in this life. It's just oh, happiness and sadness. When you've lost out on love, and it all ends up in me night and day, then something's real, someone you feel comes in. Now I'm falling in love again. I'm falling in love again. I'm falling in love Never Stopped Loving Marvin Gaye. et pour cause. Donc voilà l'album, l'album épitaphe d'un mariage catastrophe, j'y reviens pas là. La suite de Marvin Gaye, c'est pire, évidemment. Alors le pire, c'est qu'on le sait, évidemment. Ce disque reste quand même le plus personnel hein, de Marvin Gaye. Les paroles sont de lui, ce n'était pas le cas d'ordinaire. Mais la crise va continuer. Alors notamment, la crise, le mariage, bon alors évidemment, il prend l'aile, d'ailleurs en cours d'enregistrement, le procès a déjà eu lieu, enfin il est comparu à la cour, etc. Il y a eu cet accord dont je parlais, 600 000 dollars. Mais in fine, la commanditaire, c'est donc la pygmalionne, Anna Gordy, qui a été conviée à l'écoute, en studio d'ailleurs, hein, pour donner quasiment le final cut à l'œuvre, quoi. C'est amusant d'ailleurs parce que Marvin Gaye habitait à Los Angeles au-dessus du studio. Et évidemment, il n'était pas question qu'il croise Anna Gordy en pleine tempête à ce moment-là, il était resté au-dessus. Mais elle a écouté l'album, elle est partie furax en disant non, alors finalement je fais le procès et je vais demander 5 millions de dollars, etc. Parce que le disque contenait, enfin sous-entendu contenait justement des choses intimes en rapport au couple que Anna n'avait absolument pas envie de voir étaler comme ça sur la place publique. Bon, finalement, le procès n'aura pas lieu, bon, le contenu échappe quand même un peu à la plupart des oreilles, surtout que le disque se vend mal, en fait. Et il se vend mal à cause de pas mal de crises, c'est-à-dire que j'exposais les tracas, bon, somme toute presque ordinaires, j'ai envie de dire, dans les années 70, mais disons, le rapport avec la drogue, avec les stupéfiants de toutes sortes et psychotropes à rallonge de Marvin Gaye le rendent relativement incontrôlable. Les séances d'enregistrement, toutes magnifiques soient-elles, se sont quand même passées avec pas mal de chaos. On arrive justement au stade où, quand le disque sort, il n'y a pas le nom, il n'y a pas le crédit d'un seul musicien qui est mentionné. C'est quand même extraordinaire. Juste, il y a une forme de mention spéciale générale que je vais retrouver là, d'ailleurs, voilà, qui dit « Special thanks to all the musicians who are too numerous to mention, but who are all superstars ». Voilà, musiciens trop nombreux pour être mentionnés, mais vous êtes tous des superstars. Ah, merci. Il y a un discours à Macron, dis donc. Donc l'échec commercial, finalement, va pas tempérer les ardeurs dans les relations de ce couple. Et alors tout s'est dit, du coup, après coup, justement. Est-ce que cet échec commercial était voulu? Est-ce que le fait de faire un double album, qui va forcément être lourd à produire, et coûteux, et puis du coup un peu plus cher à vendre qu'un disque normal, va pas justement faire de ce disque un échec commercial et faire en sorte que le Anna, la méchante, entre guillemets, en tout cas des yeux de Marvin, soit dépossédée du plus possible de l'argent qu'elle attendait? Bon. Je ne crois pas trop à cette théorie-là, même si en fait elle est plutôt pas mal répandue. Parce qu'auquel cas, c'est toujours facile de faire un album un peu plus merdique, qui soit précipité, et c'est absolument pas le cas, évidemment, de ce disque-là, quand même si ça a été, semble-t-il, l'intention effectivement de départ. Mais à l'arrivée, à mon avis, on n'y est pas. Et puis, bah, ma foi, il y a toute cette confidence qui traîne le long de l'album et qui en dit relativement long. Voilà. L'album suivant, il va y en avoir un autre chez Motown, mais qui est un faux disque en fait, et pas forcément mauvais d'ailleurs, mais bon, qui n'est pas légitime, il faut le dire. C'est un disque qui paraît en 1981. Les rapports avec la Motown se passent pas mal, mais il y a toujours un disque quand même en contrat avec Motown et Berry Gordy. Donc à ce moment-là, Marvin Gaye est à Londres en fait, et il enregistre l'essentiel du disque qui sortira sous le nom In Our Lifetime, avec un point d'interrogation, dans les studios Odyssey de Londres. Et en fait, il y a un truc bizarre qui se passe, il y a les bandes fuites. Et Motown les récupère finalement avant que ce soit fini et avant le consentement de Marvin Gaye, décide de les publier et les remixer d'ailleurs elle-même. Ce qui fait que du coup, le disque est plutôt mal foutu, mais avec quelques bons titres qui, curieusement, sont les titres qui ferment l'album et pas ceux qui l'ouvrent. Voilà, il y a aussi une histoire de tracklisting qui était mal gérée parce que de toute façon, le disque avait été fait. Voilà. Alors, ça n'aide pas du tout les relations avec... entre Marvin Gaye et la Motown. Marvin Gaye pète les plombs et décide, et là-dessus il est plutôt conseillé quand même de s'exiler. Et Marvin Gaye va avoir sa période belge. Et oui, rigolez pas, c'est vrai, il a vécu en Belgique et en l'occurrence à Ostende. Et au départ, il s'agissait, et AY sur ce chat le faisait bien remarquer, mais merci d'ailleurs de rappeler l'info à tous, parce qu'effectivement, c'était une cure de désintox pour Marvin Gaye. Bon, pas de bol, c'était pas le bon endroit. parce qu'au stand, hein, c'est un port, c'est ouvert à tous les trafics, c'est une des plateformes majeures de plateformes majeures. Oui, c'est Amsterdam, quoi, c'est la même chose. Donc, c'est ça, on trouve facilement de la coke au stand qu'une baguette de pain à Paris. Donc évidemment, en guise de désintox, ça ne l'a pas tout à fait bien fait avec Marvin. Néanmoins, c'est dans l'appartement où il vit à Ostende qui va concevoir et même enregistrer l'essentiel du disque suivant. Et le disque suivant, le disque de la Renaissance, la vraie résurrection, et là je paraphrase un des titres d'ailleurs qui composait l'album Irma Eder qu'on écoutait, Funky Space Reincarnation. Et on le sait bien, il y a cette histoire de réincarnation totale avec l'album Midnight Love. Il a quitté Motown, c'est CBS qui l'édite. Et sur Midnight Love, il y a surtout un titre, Sexual Healing, qui cartonne à plein. C'est l'énorme tube. Même la Motown n'a pas sorti un tube aussi fort que celui-là. Le succès planétaire, quoi. En termes de vente, je ne sais pas, j'aurais pu vérifier, mais enfin, c'est énorme. Et surtout, voilà, ça fait renaître de ses cendres quelqu'un qu'on avait quasiment tué avant l'heure. Et à signaler d'ailleurs, parce que c'est si vous écoutez bien cet album-là, on entend de la TR-808, de la TB-303. Ces instruments-là, on le sait, vont devenir assez rapidement les instruments un peu tutélaires des home studios, de la house music, techno music, et elles le sont toujours d'ailleurs. À cette époque-là, ces instruments sont censés remplacer intelligemment une batterie, voire intelligemment une basse. On a vu que ce n'était pas tout à fait le cas. Une TB-303 ne fait pas le boulot d'un bassiste. Et de fait, c'est quand elle fait autre chose qu'elle est intéressante. Mais à ce moment-là, on y croit un peu. Et en l'occurrence, la TR-808 qui est utilisée chez Marvin Gaye, et par lui-même, en l'occurrence, sur Sexual Healing, si vous le réécoutez avec l'oreille aujourd'hui un petit peu affûtée, vous allez reconnaître les sons très typiques de la TR-808, mais qui n'est pas un instrument identifié justement à l'époque. Voilà, c'est intéressant un petit peu à dire. Alors bien sûr, le disque a bénéficié après d'un super mixage et puis d'un mastering haut de gamme. Et le disque va effectivement être le carton, mais que personne n'attendait. Et à mon avis, pas même Marvin Gaye. Donc du coup, bah, retour à la maison, retour en Californie, aux USA, triomphal. Mais Marvin Gaye est toujours hanté par ses démons, et notamment avec son père. Le père Marvin Gaye, c'est des relations dégueulasses depuis toujours, en fait. Il y a des petites citations comme ça, d'ailleurs, qui peuvent traîner si vous écoutez, ne serait-ce qu'en écoutant Fave, où va s'arrêter l'escalade. C'est un propos qui revient dans What's Going On, donc le premier album vraiment concept que fait Marvin Gaye en 1971. Et l'histoire le dira après, Marvin a été battu par son père, une maltraitance continue, enfin, c'est un truc infernal, quoi. Quand Marvin revient au foyer familial, dans une demeure, une maison qu'il a achetée pour sa famille, évidemment, il avait les moyens, on a compris que Marvin Gaye avait amassé des millions, même s'il a dû en donner beaucoup à Anna Gordy, il y a une engueulade majeure sur le fait que le père de Marvin Gaye a hypothéqué la maison. Alors c'est la maison qu'a achetée Marvin, elle est vendue par le père, et c'est évident, ça se passe pas bien. Et Marvin s'énerve et frappe même son père, chose qui n'était jamais arrivée. Voilà. Et il y avait chez Marvin, sans faire de la psychanalyse de comptoir, évidemment, il y avait probablement un refoulé énorme chez Marvin. Et cette engueulade qui finit au point tourne mal, puisque le soir même, alors que Marvin est couché, quoi, il dort, son père va l'assassiner de deux balles à bout portant. Quoi. Voilà. C'est trash total. Le 1er avril, oui, c'est pas une blague, le 1er avril 1984, c'est quelques jours d'ailleurs après l'anniversaire de Marvin Gaye. Il ne va pas mourir sur le coup d'ailleurs, Marvin Gaye. Il va avoir le temps de s'adresser à son frère, et son frère va dire plus tard que ce meurtre était finalement peut-être comme un suicide par personne interposée. Bon, il faut prendre des pincettes avec ce genre de déclaration-là. Mais à l'évidence, Marvin Gaye savait son père extrêmement violent. L'arme avec laquelle Marvin Gaye est abattu par son père, ça n'est rien d'autre que le revolver que Marvin Gaye lui avait offert en cadeau de Noël, 4 mois avant. Voilà, parce que, bon, bah, Los Angeles, on est aux États-Unis, et puis attention à l'entourage, voilà. Mais évidemment, et sans refaire l'histoire, et surtout l'interpréter avec des conspiration theories qui n'en finissent pas, dans quelle mesure cet assassinat n'avait pas été voulu et dans quelle mesure il y avait consciemment ou pas une provocation chez Marvin Gaye pour arriver à ça, quoi, et parce que Marvin Gaye ne pouvait plus de sa vie. Tout comme dans quelle mesure l'échec de l'album Hear My Dear qu'on écoutait aujourd'hui n'était pas programmé. Bon, bah, je laisse toutes ces questions en suspens, on n'est pas prêt d'avoir la réponse. Ce qui nous reste, c'est un disque absolument sublime qu'on a écouté aujourd'hui. On va s'évader avec un autre disque sublime, qui n'a rien à voir, si bien sûr il est même en droite ligne, mais il change d'univers. Et c'est le disque qui est un grand classique de la house music maintenant, de la deep house, Made in Detroit, qu'a fait Moody Man en 1994 ou 1995, une autre paraît en 1995, sur son propre label. C'est le premier disque qui sort sur son propre label. C'est le fameux Tribute to the Soul We Lost. C'est pas, d'ailleurs, je profite pour dire que c'est pas le premier disque de Moody Man. Tout le monde le dit, c'est pas vrai. Il y en a avant chez Fragile, le sous-label de Transmat de Derek May. Donc voilà, pour le sous-texte quand même. Mais donc ce fameux disque qui va, en fait, de facto, c'est vrai, donner le son de Moody Man, une espèce de deep house comme ça, un peu rapide, un peu poussiéreuse, qui est plus proche du blues que de la stricte métronomie des TR-808 finalement, et de la soul a fortiori, de facto va rendre hommage à Marvin Gaye, et d'une des manières les plus belles qui soient. Le titre en fait est précédé par une introduction, une longue introduction d'une minute trente, qui est en fait un zapping des flash infos qui annonçaient la mort de Marvin Gaye en 1984. Alors, 90 secondes comme ça, ça paraît rien. On a écouté des titres comme ça à rallonge. On était ensemble plus de 75 minutes avec l'album. Mais justement, je trouvais absolument beau qu'un titre fondamentalement dance floor soit introduit comme ça par ces 90 secondes de texte de zapping radio. Et ce qui me touchait encore plus, c'est que les quelques DJ qui jouaient à ce disque-là à l'époque, c'était très peu nombreux, hein, n'exagérons pas, Moody Man est devenu une valeur sûre de la house, hein, et de la deep house, qui il s'est fait progressivement avec le temps, mais ça s'est fait assez lentement. Et là, à l'aube à la jeunesse de son talent, en 1995, il y a vraiment une poignée d'initiés qui écoutent le truc et qui le diffusent. Mais le peu de fois où j'avais pu entendre ce morceau, à chaque fois, les DJ le jouaient en respectant l'introduction. Et en soi, c'est très culotté. Vous êtes sur un dance floor et tout d'un coup, vous faites arrêter complètement la piste de danse pendant ces 90 secondes totales pour écouter des radios qui font zing, zing, zing, avant que, paf, le titre vous arrive comme ça, en plein corps, en plein... Voilà, c'est bravo. Et le réécouter aujourd'hui, avec cette introduction, garde à mon avis la même force. Et tout est dit dans le titre, évidemment. « The day we lost the soul ». Voilà, tribute to the soul we lost. Le plus bel hommage probablement qu'on ait fait à Marvin Gaye depuis sa mort. Et c'est amusant parce que le titre paraissait finalement assez peu de temps après enfin la réédition de l'album Hear My Dear, qui avait été écarté de toutes les rééditions et tous les hommages qui avaient pu être faits à Marvin Gaye depuis sa mort. De 1984 à 1995, il y avait quand même eu le temps d'en parler, d'en reparler et rééditer des choses. Ben oui, mais pas Hear My Dear, qui avait été réédité seulement en fait un an avant. Voilà, Moody Man en guise de petite sortie, on se reparle juste après. Et ces fameuses 90 secondes de Zapping Radio sur Pinode, tout ça prend forme évidemment. Out in California earlier today. And of course we'll all miss the talent of Marvin Gaye, a special tribute to Marvin. I'm Steve North from The Source, and soul singer Marvin Gaye was shot and killed Sunday at his parents' home in Los Angeles. Police say Gaye's 70-year-old father, the Reverend Marvin Gaye Sr., fired the fatal shots during an argument about insurance dealings. Shocked fans gathered outside California Hospital, where Gaye died of gunshot wounds to the chest. I heard on the radio and I came down. I can't believe it either. Can't believe it. Gaye's career spanned a quarter century, ranging from his years with Motown to his Grammy nomination this year for Midnight Love. What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Marvin Gaye, Inner City Blues makes you want to holler. Gaye would have been 45 years old Monday. New York disc jockey program director Frankie Crocker describes the loss this way. He was the kind of person you want to be around, soft-spoken, but a very... deep, deep talent, and we've lost a big one. Marvin Gaye won a Grammy for his latest blockbuster hit, Sexual Healing. Marvin Gaye, a special tribute to Marvin.

Voilà, jusqu'aux quasi dernières secondes, Ian Damix, Moody Man, premier album qui sortait sur KDJ, donc son propre label, Kenny Dixon Jr., c'est son acronyme. Tribute to the Soul We Lost, voilà, cette soul perdue, ce grand esprit qui était donc Marvin Gaye, et on a consacré ces deux heures aujourd'hui, waouh, deux heures entières, à l'écoute de Here's My Dear, heureusement, disque largement réhabilité aujourd'hui. Voilà. J'étais très heureux de partager comme ça ces moments intenses avec vous, guimauve, exacerbé, mais finalement pas aussi gentil qu'on pourrait le croire. Alors évidemment, ça me donne envie la semaine prochaine d'être peut-être un peu moins dans un peu moins bubblegum et aller. Alors qu'est-ce que vous pourrez faire? Parce que j'ai pas choisi. Alors vous pouvez toujours me répondre sur le chat ce que vous préférez. J'avais toujours en stock DOA de Flubbing Gristle. Ou n'importe quel autre disque de Flubbing Gristle, mais je pense que DOA il est pas mal. Alors Kraftwerk, puisque évidemment c'est, on y pense un peu maintenant, et il y a de quoi faire aussi. Et alors peut-être juste pour faire plaisir à Ick, parce que je sais qu'il a souffert avec Marvin Gaye, Brain Bombs par exemple, quoi. Leur album Obey par exemple, qui m'a particulièrement touché, mais il y en a d'autres qui sont pas mal. Alors voilà, je vous donne le choix entre Brain Bombs, Flubbing Gristle ou Kraftwerk. À vous de répondre sur le chat, je suis à vous. J'en profite pour vous remercier.